Le président de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, Pierre-Franck Chevet, est revenu en des termes sévères jeudi 12 avril au Sénat sur les nouveaux défauts de soudure mis au jour mardi sur le fameux EPR de Flamanville dans la Manche. Il y a effectivement des anomalies que je qualifie de sérieuses, voire très sérieuses, et en plus sur un composant crucial. Il faut dire qu'en France, le nucléaire, c'est une religion. Mieux, le nucléaire n'est pas physique, il est métaphysique, ça n'est pas moi qui le dis, mais l'autorité de sûreté nucléaire dans son dernier rapport. Et je dois dire que ce rapport fait plus pour Dieu que Saint Thomas et le discours d'Emmanuel Macron aux Bernardins réunis. Que dit-il ? Que ces tuyaux, les tuyaux de la centrale nucléaire doivent être en exclusion de rupture. Je sais, dit comme ça, ça ne dit rien à personne. Les tuyaux doivent être en exclusion de rupture, c'est-à-dire que la probabilité de leur rupture doit être égale à zéro. Un progrès considérable dans l'histoire des mathématiques parce qu'en général, la probabilité d'un événement physique n'est jamais nulle. La probabilité, par exemple, qu'un singe placé devant un clavier écrive du Guillaume Musso, cette probabilité est certes faible, mais elle existe. Eh bien, pour le nucléaire français, lui, on a inventé les probabilités nulles, autrement dit le risque zéro, celui dont on dit qu'il n'existe pas, la perfection incarnée. Ce sont, ou ce devrait être, les tuyaux de Flamanville. Quelque chose de parfait, cela ne vous rappelle rien, mais si bien sûr, Dieu est parfait. C'est même le premier terme de la preuve ontologique formulée par saint Anselme de Canterbury. Au XIe siècle, Dieu est un être parfait, affirmait le saint homme. Dieu est parfait et s'il n'existait pas, eh bien il ne serait pas parfait. C'est donc qu'il existe, assénait saint Anselme. Eh bien le nucléaire français, c'est un peu la même chose. Le tuyau est parfait parce que sinon il ne serait ni nucléaire ni français. Le tuyau est parfait ou sera parfait à la parousie, pardon, à la fin des temps. Maintenant, vous avez compris pourquoi on n'est pas prêt de voir l'EPR fonctionner. Dieu est mort, disait l'autre, et les tuyaux de l'EPR ne se sentent pas très bien. Au pays des éoliennes, on a besoin de vent. Au pays des barrages, on a besoin de l'eau. Au pays du pétrole, on a besoin d'argent. Et moi dans ma centrale, j'ai tout ce qu'il me faut. Petit bonhomme, ce soir tu dormiras. C'est ma centrale qui s'occupe de toi. Bonjour François Lévesque. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Mines Paris Tech, où vous enseignez l'économie industrielle et l'économie de l'énergie. Vous avez notamment publié « Les habits neufs de la concurrence » aux éditions Odile Jacob. Vous êtes intéressé au coût du nucléaire et je vais résumer vos travaux. Vous avez tenté de démontrer que plus c'était gros, plus ça coûtait cher. Oui, parce que il y a des données sur la construction, les coûts de construction des réacteurs aux États-Unis et les coûts de construction des réacteurs en France. Les coûts de construction passés. Et on observe ce que j'ai appelé dans mon livre sur l'économie du nucléaire paru chez Duno, une malédiction des coûts croissants. C'est-à-dire, historiquement, aux États-Unis, c'est très très net. Chaque nouveau réacteur était plus cher à construire que le précédent et il n'était pas plus cher parce qu'il était plus gros, il était plus cher en termes de mégawatts, c'est-à-dire par mégawatt installé. Donc vous corrigez le fait qu'il soit plus gros et donc les réacteurs sont de plus en plus chers à construire aux États-Unis, c'est très net. Et c'est sur ce point-là évidemment qu'il faut insister, donc je souligne ce que vous venez de dire François Lévesque, lorsque vous dites que le nucléaire est plus cher, c'est pas plus cher parce que c'est plus gros, parce que là ce serait évident, c'est plus cher parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle. Il n'y a pas d'économie d'échelle, vous avez raison. Il n'y a pas d'économie d'apprentissage. Alors là, c'est un peu une subtilité qui intéresse beaucoup les économistes. Les économies d'échelle, c'est plus votre usine est grande, plus le coût unitaire diminue. Donc plus vous avez une usine grande pour produire des automobiles, plus le coût de production d'une automobile est faible. Sauf que non, parce que dans le nucléaire, ça c'est les économies d'échelle. Mais dans le nucléaire, on ne les voit pas, on ne l'observe pas. Et puis les économies d'apprentissage, c'est plus vous avez construit d'automobiles dans le passé, plus la nouvelle automobile que vous allez construire est bon marché. D'accord. Et vous le voyez dans le domaine de l'énergie, sur les éoliennes, vous le voyez dans le domaine de l'énergie, sur le solaire. C'est-à-dire que, avec le temps, on a implanté de plus en plus d'éoliennes, on a construit de plus en plus de panneaux solaires, et donc le coût de chaque mètre carré de panneaux solaires est beaucoup plus faible aujourd'hui qu'hier. Même chose pour les mâts des éoliennes. Mais alors pourquoi ça marche pas pour le nucléaire? Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on n'en construit pas beaucoup, il n'y a pas d'effet de série. Aujourd'hui, dans le monde, il existe 400, un peu plus de 400 réacteurs en opération. Et donc, vous n'avez pas d'effet de série, il n'y a pas de standardisation non plus. En caricaturant, les réacteurs nucléaires, ça ressemble un peu à les aéroports. C'est-à-dire que les aéroports, on n'en construit quand même pas des centaines de milliers dans le monde. Et surtout, ils sont tous différents. Et donc, quand vous standardisez pas, vous voyez, si je reprends l'image de la voiture, les voitures, pour un modèle donné, la Clio, la Zoé, tout ce que vous voulez, eh bien, vous standardisez. Et puis, il y a même des plateformes communes à plusieurs modèles. Dans le nucléaire, on standardise pas suffisamment. Pourquoi? Pourquoi ne réussit-on pas à standardiser ce que l'on fait avec les voitures ? Pourquoi on ne décide pas de faire un modèle unique de centrale nucléaire, François Lévesque ? D'une part, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui conçoivent, et donc il y a de la concurrence, qui conçoivent des réacteurs nucléaires, et chaque type est différent. Donc vous avez les Russes, vous avez les Chinois, vous avez les Coréens, vous avez les Japonais, et puis vous aviez les Américains. Et puis, il y a l'idée de tenir compte de l'innovation technique et puis des nouvelles règles de sûreté. Et donc, les règles de sûreté, elles évoluent. Donc, vous devez faire évoluer votre réacteur, le type de réacteur, en fonction des nouvelles exigences de sûreté. Alors, donc là, même moi qui ne suis pas vraiment favorable au nucléaire, je vais vous dire que c'est une bonne chose que ça coûte plus cher, parce que ça veut dire qu'il y a des règles de sécurité supplémentaires. Donc, on devrait se féliciter que ça coûte de plus en plus cher. On devrait se féliciter, absolument, parce que les réacteurs nucléaires sont de plus en plus chers à construire, donc par mégawatt, mais ils sont de plus en plus sûrs. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, théoriquement, en tout cas. Non, je pense que là, c'est assez sérieux. C'est-à-dire, à partir du moment où les enceintes sont un peu plus grosses, à partir du moment où vous avez plus de redondance, parce que vous mettez trois pompes, s'il y a deux pompes qui se cassent la figure, il y aura toujours une troisième pompe. Donc, il y a indubitablement une évolution favorable en matière de sûreté pour les nouveaux réacteurs. Et alors, en matière d'EPR, quelle est la malédiction, justement, François Lévesque ? Jusqu'à maintenant, la malédiction, elle est que ce nouveau modèle n'est pas construit ni dans les temps, ni dans le budget. Donc, la première brique a été posée, c'était en Finlande. Donc, il devait être construit en un peu moins de 5 ans. 10 ans plus tard, il n'est toujours pas connecté au réseau. À Flamanville, il y a aussi beaucoup de retard. Donc, ça, c'est un premier problème. Tout ça, c'est la partie calendrier, tenir les délais. Mais ça a un effet sur les coûts. C'est-à-dire que si vous mettez 10 ans à construire votre réacteur au lieu de 5 ans, ça veut dire que pendant 5 ans, vous n'aurez pas de recette d'électricité, puisque au lieu de mettre 5 ans, vous mettez 10 ans. Et ça veut dire aussi que vous payez des intérêts financiers. Donc, c'est ni on time, comme disent les Anglais, ouais, ni on budget. Et donc, c'est un peu un problème d'avoir ces réalisations qui sortent du calendrier prévu et qui sortent du budget prévu. Mais alors, est-ce que c'est bien raisonnable de continuer à en faire ? Du coup, on se dit qu'il y a quand même une forme d'acharnement, alors ou bien qui force l'admiration, ou bien qui témoigne d'une témérité pour une entreprise. Continuer à dire qu'on va livrer une centrale EPR alors que jusqu'à présent, on n'y arrive même pas à Flamanville, alors qu'on s'acharne à faire ça depuis des années, François Lévesque, est-ce bien sérieux ? À décharge des entreprises du nucléaire, ce réacteur est d'un nouveau type. Donc, l'argument est celui du prototype. Et donc, les premiers d'une série sont toujours plus chers que ceux qui viennent après. Et donc, le vrai test, ça va être Hinkley Point, puisqu'il y a un nouvel EPR dont la construction va démarrer au Royaume-Uni. C'est ça, parce que c'est pas du tout, en fait, l'EPR qui va démarrer. Voilà, non, c'est la construction va démarrer. Et donc là, c'est le vrai test. C'est-à-dire que si de nouveau, après Olkiluoto, donc en Finlande, après Flamanville, peut-être après Taishan, si Taishan n'est pas non plus dans le calendrier, si la quatrième construction, c'est encore hors budget et hors calendrier, ça sera quand même vraiment la problématique. Donc le test, parce que c'est quand même prochain. Un beau superfell de s'engager à livrer une centrale en Angleterre, donc à Hinkley Point, alors qu'on n'est même pas capable de terminer le prototype en France. Ouais, c'est un risque. C'est ça, vous le dites c'est un risque. De manière plus prudente que moi. C'est un risque, mais bon, dans beaucoup d'industries, vous prenez des risques, sinon vous ne faites rien. Donc, si vous lancez dans la voiture électrique, vous prenez des risques, peut-être que ça va pas marcher, les gens vont pas acheter vos voitures, etc. Bon, quand vous construisez une nouvelle usine, donc, le risque, c'est quand même lié à l'entreprise, et notamment quand vous construisez des gros trucs. Bon, le risque ici, Il y a quand même un contrat qui est assez favorable en termes de prix, hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de garantie de prix pendant 30 ans et d'un prix à plus de 100 euros du mégawattheure. Donc il y a un certain nombre de sécurités. En revanche, ces sécurités, elles ne vont pas jouer si, au lieu de mettre 6 ans à construire le nouvel EPR, EDF met 8 ans, 10 ans, 12 ans. Ça, c'est l'entreprise qui prend le risque de dépasser le délai et le calendrier. Et ça sera pour sa pomme et ça coûtera très cher. C'est une pierre supplémentaire dans le jardin du nucléaire, tout simplement parce que pendant très longtemps, on nous a vanté les mérites d'une énergie qui était une énergie bon marché, alors que le pétrole, donc, lui, était censé s'envoler. Alors, on met de côté la question du pétrole, François Lévesque, mais le renchérissement des coûts du nucléaire, l'apparition de coûts cachés aussi, parce que finalement, sur le retraitement des déchets, sur leur enfouissement, là aussi, on peut se poser la question quand même. Sur l'enfouissement et sur les déchets sur le retraitement, effectivement, il y a une incertitude sur les coûts parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience si vous prenez le cas de l'enfouissement des déchets dans la Meuse qui s'appelle Cigéo. Ou si vous prenez le cas du démantèlement, il n'y a pas beaucoup d'expérience dans le monde de démantèlement central nucléaire et de sites de déchets d'enfouissement. Donc du coup, vous avez une incertitude sur les coûts du coup COUP et les coûts COUT. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le démantèlement, effectivement, puisqu'on parle du démantèlement de Fessenheim? Normalement, donc, le coût de ce démantèlement devrait être ajouté au coût du kilowatt-heure produit depuis la naissance de cette centrale. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet? Pour les centrales qui existent déjà, il y a une loi qui impose à EDF de faire des provisions en prévision du démantèlement. Et donc là, même chose aux États-Unis, même chose dans les autres pays pour les centrales qui existent. Donc les opérateurs payent à l'avance ou mettent de l'argent de côté pour faire en sorte de faire face aux dépenses de démantèlement. Et ces lois sont bien faites, que ce soit aux États-Unis ou en France, et donc les provisions sont bien faites. Et donc il n'y a pas d'inquiétude très forte à avoir sur le fait que finalement, ça sera le contribuable qui paiera le démantèlement. Non, c'est le consommateur d'électricité passé et encore aujourd'hui, et EDF qui paiera le démantèlement. Parce qu'il y a une loi qui oblige à faire des provisions et c'est un truc sérieux, quoi. C'est pas, tiens, on va arranger EDF et on lui demande de faire des provisions très très faibles. Ces coûts ne sont pas sous-dimensionnés? Non, absolument. Par contre, il y a toujours une incertitude, c'est-à-dire que sur les coûts, le futur, il y a toujours des incertitudes. Donc, mais c'est ça plutôt, qui est rigolo. C'est plutôt un truc moyen. Non, mais c'est plutôt basé à un truc moyen. Et s'il arrive, je ne sais pas quoi. Peut-être que ça sera plus cher que prévu. Mais en tout cas, c'est fait sérieusement. Au jour de nos connaissances actuelles, avec plein d'experts différents et pas que des experts d'EDF, c'est bien calé. Et puis alors, je vais continuer à vous embêter à cet égard, François Lévesque. Il y a une autre question qui se pose malgré tout. Il y a l'aléa lié au risque du nucléaire. Si on a une catastrophe comme Fukushima ou comme celle Tchernobyl, qui est intervenue à Tchernobyl, est-ce qu'il est possible là aussi de réintroduire les coûts, des coûts d'ailleurs? Je ne sais même pas comment on parvient à chiffrer les dégâts écologiques, les dégâts aussi sur les êtres humains, ceux qui vivaient aux alentours de la centrale et ceux qui sont intervenus lors des catastrophes. Bon, la vision des économistes sur les accidents nucléaires est extrêmement choquante, extrêmement brutale. Je vais vous la donner, c'est la mienne, je suis économiste. Le risque, c'est une probabilité. Donc, une chance sur 1 million, ou une chance sur 10 millions, ou une chance sur 3, donc ça c'est une probabilité, que multiplie un dommage. Donc, s'il y a un accident, ça va coûter des millions d'euros, des milliards de dollars, tout ce que vous voulez. Donc, pour un économiste, le coût du nucléaire, vous allez chercher la probabilité, vous allez chercher le dommage, ok? Pour estimer. Et donc, la probabilité, elle est extrêmement faible, du genre 1 sur 10 milliards. Et vous multipliez ça par un dommage qui, lui, n'est pas vraiment microscopique, il est plutôt macroscopique, mais qui va sur des centaines de millions de dollars. Okay ? Et quand vous multipliez ce truc extrêmement petit par ce truc qui est quand même assez grand, ça vous donne quand même un truc petit, quoi. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, pour vous donner l'ordre de grandeur, aujourd'hui, le coût de production d'un mégawattheure par les centrales électriques françaises d'EDF, c'est aller de l'ordre de 40 euros du mégawattheure. Eh bien, le coût d'un accident, la probabilité multipliée par le dommage, c'est genre 1 euro par mégawattheure. Alors c'est brutal parce que évidemment on tient pas compte des peurs, on tient pas compte des frayeurs et de la perception du public. Et donc, alors les économistes sont quand même un peu plus malins ou essayent en tout cas d'être un peu plus malins que ce que je viens de dire, c'est qu'on tient compte de l'opinion publique. Et l'opinion publique, si elle a peur, eh bien, il faut en tenir compte. Et donc là, il y a un arbitrage à faire politique entre ce que disent les experts. Il faut tenir compte des informations des experts sur l'accident et puis la perception et l'acceptabilité par le public. Et parce que tous, on a un biais cognitif qui est que on surestime les risques très rares. D'accord ? Eh bien, il faut en tenir compte et pas écouter que les experts. Il faut mélanger les informations qui viennent des experts et les informations qui viennent du public sur les accidents. Je vais continuer à vous embêter, François Lévesque. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une toute autre probabilité d'un risque d'accident nucléaire? On a deux centrales qui ont eu des problèmes majeurs, trois d'ailleurs si on considère au Japon qu'il y en avait deux. Est-ce qu'on peut pas dire dans ce cas-là qu'on a une chance sur 100, une chance sur 150 d'avoir un accident nucléaire puisqu'on a un parc de 450 centrales? Non, les chances sont très très faibles. Trois incidents nucléaires. Oui, mais il faut pas tenir compte que des observations passées. Je me suis énervé il y a quelques années parce que deux personnes respectables, anti-nucléaires, mais c'est pas parce qu'on est anti-nucléaire qu'on n'est pas respectable. L'un avait fait Polytechnique, l'autre était ingénieur. Ils avaient trouvé une probabilité supérieure à 1. Une probabilité supérieure à 1 d'accident. Donc ça, c'est très choquant parce qu'il faut apprendre aux gens ce qu'est le risque, les probabilités. J'ai les pas probabilités. Dit ça, hein. J'ai dit non, une chance sur 150. Et donc là, on a deux types qui avaient trouvé une probabilité plus grande que 1. Donc c'est comme le plus blanc que blanc de Coluche. Donc j'ai oublié du coup. Je vous disais trois incidents nucléaires, 450 centrales. Probabilité d'un incident sur 150. En France, on a une très très bonne autorité de sûreté nucléaire. Vous ne monteriez pas dans un avion si vous aviez une chance sur 150 de vous cracher. Mais on a une chance, une malchance plutôt en l'occurrence, d'un sur un million ou quelque chose comme ça. Mais par contre, ma crainte là, effectivement, elle est pas. On a une très bonne autorité de sûreté nucléaire. On a un très bon opérateur en ce qui concerne la sûreté. Ma crainte, c'est que je ne crois pas en l'autorité de sûreté nucléaire et en l'opérateur arménien, d'accord ? Je ne crois pas à la compétence de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'opérateur au Pakistan. Vos exemples sont choisis à dessein ? Mais oui, parce que si vous voulez, on a eu un truc qui s'appelait Fukushima Daiichi, enfin une catastrophe, pas un truc, pardonnez-moi, et qui a montré la faillite d'une autorité de sûreté nucléaire. Une autorité de sûreté nucléaire, elle doit imposer des exigences de sûreté, elle doit sanctionner quand les exigences de sûreté ne sont pas respectées. J'ai confiance dans l'autorité de sûreté nucléaire américaine, j'ai confiance dans l'autorité de sûreté nucléaire française et j'ai confiance dans les opérateurs. Je n'ai pas confiance dans l'autorité de sûreté nucléaire pakistanaise. J'ai assez peu confiance dans l'autorité de sûreté nucléaire ukrainienne. Donc vous avez plein d'endroits dans le monde où on peut se poser des questions sur la sûreté nucléaire. Et donc si un jour il y a de nouveau une catastrophe de type Tchernobyl ou de type Fukushima Daiichi, c'est pas en France et c'est pas aux États-Unis. Je veux dire, c'est au Pakistan, et au Pakistan, dans un rayon de 50 km de la centrale nucléaire, vous avez 10 millions d'habitants. Bon, donc si on veut avoir peur, mais c'est là qu'il faut avoir peur et pas chez nous. Merci François Lévesque. Les habits neufs de la concurrence, ces entreprises qui innovent et raflent tout, c'est le livre que vous avez publié chez Odile Jacob. Superfell a été piétiné par Anaïs Isebaer à la production avec à la technique Antoine Pitilloni pour gâcher tout ça et Alex Fougeron pour piétiner l'ensemble à la réalisation. Superfell.